cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الدروس الجديدة. On commence donc cette série de cours dans ces deux livres qu'on a choisi ensemble, Tafsir Sourate Al-Fatiha, l'Allama Al-Sheikh Mohamed bin Salih Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Et juste après ce cours, une deuxième risala, Usul Al-Manhaj Al-Salafi Al-Sheikh Abdussalam ibn Barjis rahmatullah alayh. ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. ومثل هذه الدروس مهمة. Ces cours sont importants, ya ikhwan, que ce soit في التفسير, que ce soit في العقيدة, في التوحيد, أو في أصول هذا المنهج المبارك. فالمسلم دائما il doit faire des efforts pour comprendre son دين. فهذا الدرس مثلا أي الفاتحة, تفسير سورة الفاتحة. Chaque مسلم il a besoin de comprendre hadhihi as-sura. Par chacun de nous, walillahil hamd, on la récite kathiran, chaque jour, dans chaque rak'ah. Wa min at-taqsir wa min ad-da'f, c'est de ne pas comprendre ce qu'on récite. Wallahu subhanahu wa ta'ala amara al-jami' bit-tadabbur, de méditer quand on récite hadha al-Qur'an. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est ça le but, de réciter, de comprendre, de méditer. وكذلك العمل. وقال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا القرآن, c'est pas que des textes, des versets qu'on doit réciter, lil baraka faqat, comme yaf'al al-ba'd. La shak anna al-qira'a wa at-tilawa ajrun 'azim. Celui qui récite, comme jaa fi hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna pour chaque lettre il a 10 hasana. Hada c'est fadlun min Allah. Lakin ahammu min dhalik, encore plus important, c'est la compréhension. لأن هذا القرآن سكلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الذي أنزله على أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné certaines choses, il nous a interdit d'autres choses. فكيف بالمسلم s'il comprend pas ce qu'il récite, خاصة مثل هذه السورة, quelques versets très courts. Et al-fa'ida al-azima, لأن chaque jour tu la récites, et si tu la comprends, tu verras que ça va t'ouvrir des abwab fil ilm, et ça va augmenter ton khushu' bi'idhnillahi azza wa jal, et ça va te faciliter كذلك à accomplir hadhihi as-salawat, ces cinq salat obligatoires, wa man waffaqahu Allah azza wa jal fa كذلك des nawafil. فشأن هذه الصلاة العظيم عند الله ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي ركن عظيم un pilier de notre salat فلا بد qu'on donne du temps pour la comprendre. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن la chose ou la sourate par laquelle on doit tous commencer hifdhan wa tafsiran, c'est sourate al-fatiha. C'est une obligation pour chaque musulman de réciter al-fatiha fi salat. Et celui qui ne récite pas al-fatiha ila al-qudra wa salatuhu batila ghayr maqboula. Wa ta'ammalu hadha al-hadith khayrukum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc ces efforts fi ta'allum القرآن كسواء الابرنتيساج بار كور او التفسير ففيه اجر عظيم لكن نحن لابد ان نحتسب ونخلص النيه Allah subhanahu wa ta'ala karim. Effort après effort, jour après jour. On commence par le début, le sourate al-Fatiha. Thumma ma yassara Allah subhanahu wa ta'ala min juz amma. Hadha at-talib fi dhifa hatta inshallah yassara ala khair. Et quand il récitera le Coran, il aura une saveur, un goût. Anahu yafham fa a'zam al-kalam wa anfa' al-kalam. Hadha al-Quran al-'azim. Wa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, الصحابي الجليل قال كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات يتباسي با دي فرسي يزابخوني دي فرسي وهذا الأثر إلى مهم لماذا لأن ابن مسعود رضي الله عنه نموتر كومون أبخوندر القرآن سي تي فو بروفيتي أخي الكريم قال لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم. On donne de l'importance au hifd. كذلك on donne de l'importance à la compréhension. C'est مهم. أما مثل الأطفال الصغار, c'est autre chose. Un enfant مثلا qui est encore petit, ولا يفهم, il comprend pas ce qu'il récite. فهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى d'avoir un enfant مثل هذا et il aime l'apprentissage, il le motive pour qu'il apprenne par cœur. Même s'il ne comprend pas, c'est un enfant. وبإذن الله عز وجل viendra un jour, il fera des efforts et il apprendra. Et il fera des efforts في العلم حتى il comprendra ce qu'il a appris par cœur. أما مثل les adultes, et ils récitent tous les jours le Coran, Al-Fatiha ou autre, فمثل هؤلاء لا بد qu'ils fassent des efforts. Ils apprennent ma yassar Allah subhanahu wa ta'ala lahum, et on les conseille de commencer par juz amma, des petites sourates, hatta yata'awwadun 'ala al-hifz, thumma yatadarrajun qalilan qalilan, avec la compréhension. Wa bi idnillah 'azza wa jalla, on citera des livres de tafsir qui facilitent aux musulmans la compréhension de ce qu'il apprend. Qala hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-'ilm wa al-'amal. فَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ جَمِيعًا. Ils ont appris, radiyallahu anhum, al Qur'an, wal-ilm, wal-amal. قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْقُرْآنَ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. لا يكفي الحفظ ومجرد التلاوة, فهذا القرآن كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم سين حجة, أي c'est pour toi أو c'est contre toi يوم القيامة. فمن عمل به واجتهد في تفهمه, il essaye de comprendre et il applique بما يستطيع, اتقوا الله ما استطعتم, ان شاء الله هذا القران ستكون حجه pour lui. اما celui qui le contredit ليلا ونهارا, il fait pas d'effort, بل ربما il est conseillé et il s'entête, ولو كان حافظا, c'est une حجه contre lui يوم القيامه, لان il a appris une chose ولا يعمل بها. كذلك ce qu'on voit de nos jours, c'est de l'accrocher, que ça soit filbouyout, que ça soit dans les voitures, que ça soit sur leur enfant. Le Coran, il n'est pas descendu pour هذا. Le Coran, c'est كلام الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu quelques versets. أنه أمرنا بالتدبر et pour l'amal. Ama mal fa'ida de l'accrocher et de le contredire jour et nuit. Le Coran, il n'a pas été descendu pour هذا. Le Coran, il est descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. للعمل العقيدة والشريعة أخلاق المنهج لعبادات. أما مجرد لاكروشي ما الفائدة؟ لكن البعض يزون إن بنية, لكن ي pense que c'est ça الدين, et il pense que c'est comme ça qu'on doit se comporter avec le Coran الكريم. فمثل هؤلاء on leur montre, لأن ils aiment le Coran, c'est pour ça qu'ils l'accrochent. فمثل هؤلاء سيدزينيغ on leur montre بالتي هي أحسن, أن هذا القرآن ينفع بإذن الله عز وجل, celui qui l'apprend, celui qui le met en pratique, celui qui cherche à comprendre. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه, كما في مقدمة فتح القدير للإمام الشوكاني رحمة الله عليه, قال القرطبي رحمه الله ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. هكذا pour chaque musulman, هذا Lakin, bien sûr, c'est pas chaque musulman qui doit apprendre le Coran par cœur ou le tafsir. Là, هذا c'est من شأن العلماء وطلبة العلم. Lakin, على الأقل, chaque musulman, il doit comprendre le Fatiha. Et vous verrez, بإذن الله عز وجل, que cette explication de الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه, elle est très simple, brève, concise, précise. Et si chacun de nous, il donne un peu de temps, quelques doros, falhamdulillah, il aura compris beaucoup de choses. Et ça va lui servir, et Rabbama, ça lui ouvre des portes, et ça le motive pour apprendre encore plus. Hakada, al-ulama wa talabat al-ilm, ils ont commencé par quelque chose au départ de bref, de résumé, thumma qalilan, hatta ils atteignent le niveau que Allah subhanahu wa ta'ala kataba lahum. قال القرطبي ويعمل بما يتلو فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه فكيف يعمل بما لا يفهم ما أقبح هذه الحالة طالب علم كي أبخل القرآن ربما إلى تنسيختناج ربما إلى فيه Il a fait des efforts et, alhamdulillah, il a appris le Coran ou une partie du Coran. Ou la yifham. La yifham shay de ce qu'il récite. Hada la, la yimbari. Des efforts, un minimum. Qala, fa kifa ya'mal bima la yifham. Lianna le but de ce Coran, c'est de l'appliquer. C'est pas mujarrad, comme on a dit, accrocher ou réciter. Là, la récitation, bien sûr que c'est tayyib, il y a un ajr azim. Lakin, al murad, ou al maqsoud, c'est l'amal de l'appliquer et pour l'appliquer il faut comprendre قال رحمه الله فكيف يعمل بما لا يفهم معناه وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدري وهذا كذلك c'est très mauvais ربما il est حافظ لكتاب الله أو لشيء من كتاب الله عز وجل et واحد من المسلمين il lui demande une chose sur ce qu'il récite et il ne peut pas répondre. Ma ma'na ce verset que tu viens de nous réciter fi salat, ma adri. La chèque, on ne peut pas tout savoir et il y a des versets, des sourates qu'on ne connaît pas encore et min haith al-fahm, la compréhension. Lakin, tous les versets, toutes les sourates, et ça ne réveille pas ce musulman, ce talib, pour qu'il fasse des efforts. Fahada, c'est un taqsir. Qala fama mitla min faqala. فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا هكذا يقول الإمام القرطبي كما بين الله عز وجل في القرآن أي c'est comme un âne qui transporte des livres فربما هذا الحمار يحمل من الأسفار أي الكتب الشيء الكثير لكن est-ce que cet âne, cette bête ستستفيد من هذه الكتب لا Peut-être qu'elle transporte le Coran, ou Sahih al-Bukhari, ou Sahih al-Muslim, et beaucoup de livres. Où la testafid min hadhi al-kutub shay'a? C'est une bête. Et Allah, il ne l'a pas créé pour hada. Amma l'insan. Fallahu subhanahu wa ta'ala khalaqahu lil'ibada. Et l'ibada, elle est fondée sur l'ilm. Et l'ilm, il est fondé sur le Coran. Fallabud min fahm. C'est ça le but de nos durous. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. Wa qala. إياس بن معاوية رحمة الله عليه مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح مثال طيب ceux qui apprennent le Coran et ils connaissent pas le معنى c'est comme un قوم أي un groupe de personnes الملك le roi il leur envoie un kitab une risale Il veut leur informer d'une chose, ou leur ordonner une chose, ou les mettre en garde contre une chose. Ils reçoivent ce livre et ils sont tous dans l'obscurité. Personne ne peut le lire. Fahakada, celui qui ne fait pas d'effort. Al-Rabb, Al-Malik, Al-Aziz, Subhanahu wa Ta'ala, il a révélé hadha al-kitab sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le propager à Jami al-Nas. On n'a pas le droit d'être mitla ha'oula. On répète, ce n'est pas tout le monde qui pourra comprendre tout le Coran. Lakin, on cite cette muqaddima, et chacun, sa position avec Sourate al-Fatiha. Est-ce que je suis avec Sourate al-Fatiha comme si j'étais dans une salle obscure et je ne comprends pas ce que je lis? Chacun se pose cette question. Et cette question, elle ne doit pas nous pousser à désespérer. Là, cette question, elle nous pousse à faire des efforts et à se remettre en question. et on avance. هكذا المؤمن أنه إذا شعر بالتقصير, s'il sait qu'il a une faiblesse dans un domaine, فالحمد لله il se rattrape. قال رحمة الله عليه كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح ولا يدرون ما في الكتاب. Vu qu'ils sont dans un endroit obscur, personne ne sait ce qu'il y a dans le livre. قال ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاء كمثل قوم جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. Celui qui a du ilm في التفسير, il connaît معاني الآيات, c'est comme un homme qui va venir avec une lumière, une lampe, et il va éclairer cette salle et tout le monde va profiter. فالعلم نور, التفسير سي نور, وهذا القرآن نور. المسلم il doit tout faire pour essayer d'acquérir شيئا من هذا النور, et chacun selon ses capacités. ومن الكتب التي يستفيد منها المسلم وبالأخص طالب العلم, لأن être motivé c'est طيب c'est مهم, لكن savoir comment apprendre, que ce soit tafsir ou autre, la méthodologie fil ilm c'est muhim. Comme min al-nas, ils sont motivés lakin yatakhabbatun, et ils ont une bonne niya lakin à cause d'une mauvaise méthode rubbama sinin, et ils n'avancent pas beaucoup. Wa min aham ma yanbaghi li al-muslim wa li talib al-ilm, s'il veut apprendre mathalan cette matière qu'on est en train d'étudier ensemble, التفسير التدرج حبة حبة, أنه il commence par l'أسهل. فمن أحسن الكتب أي في التفسير من حيث الاختصار c'est كتاب العلامة الشيخ السعدي رحمة الله عليه. Il a un تفسير جميل مختصر, طبع في مجلد, ils l'ont imprimé en un volume, et il est مفيد جدا. لا يتوسع, il ne cite pas Al-Khilaf, il ne cite pas les détails fil Masail, là, il cite Ma'ani Al-Ayat. Et c'est ça l'essentiel au départ. Amma Al-Tash'ub wa Al-Tash'tut, au départ, ça fait beaucoup de mal au talib. Ba'duhum, au départ, il veut tout comprendre. مثلا تفسير الفاتحة, il va regarder في تفسير Ibn Jarir, ثم تفسير القرطبي, ثم ينتقل إلى un autre تفسير. Et à la fin, ربما il n'a pas retiré grand-chose. Fal muwaffaq, c'est celui qui commence par sighar al-ilm, par les petites choses. Thumma yantaqil ila mustawa a'la, petit à petit. Fa min afdal al-kutub tafsir Ibn Kathir. Aqsad tafsir al-Sa'di, ay min hayth al-ikhtisar. Kadhalik tafsir Ibn Kathir, c'est un tafsir tayyib. Kadhalik tafsir al-Imam al-Baghawi وتفسير الإمام ابن جرير ربما هذه التفاسير il faut bien sûr la langue arabe, il faut شيء من العلم pour comprendre, كذلك revenir à أهل العلم. فهذه تفاسير السلفية, تفسير ابن جرير وتفسير الإمام البغوي وتفسير الإمام ابن كثير وتفسير الشيخ سعدي et d'autres bien sûr, تفسير الإمام الشنقيطي il est نافع. Et tafsir Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a pas fini rahimahullah, lakin il a expliqué beaucoup de sour. Al-muhim al-muslim ya'tani bi kutub ahli al-ilm wa al-hadar kull al-hadar min tafasir ahli al-batil al-mubtadi'a, les innovateurs ad-dallal qui font beaucoup de mal, ya'tanuna ba'dhum kathiran bi tafsir. Fa mathalan tafsir الزمخشري إلا أبل الكشاف ففيه الظلال مبين كساسوا في الصفات أو في غير الصفات de l'égarement dans la croyance. فالمسلم يحذر لأن القلوب ضعيفة. Ouvrir ce genre de livre, que ce soit un arabophone ou des livres traduits, si c'est pas un livre qui a été écrit par un sunni ou traduit par un sunni, يحذر ربما une shubha, elle rentre dans ton cœur et elle te fait beaucoup de mal. Il peut t'expliquer une aya et il déforme une sifa min sifatillah azza wa jall, ou il rejette une sifa min sifatillah azza wa jall avec un kalam qui est embelli avec Obama, appuyé par des autres preuves qui ne sont pas à leur place, ou l'insan, il a des doutes. Et nous, on fait tout pour préserver notre din. Amma s'égarer, mais sabab al-talab, et vouloir apprendre, ça c'est pas minat tawfiq fiché. Donc, on se base sur les livres de nos savants. كذلك الحذر من تفسير سيد قطب المنحرف فتفسيره مليء بالضلال طعن في الصحابة طعن في الأنبياء أو في بعض الأنبياء تعطيل للصفات بدعة القدر بدعة التحريف beaucoup de مصائف في هذا التفسير وللأسف بعضهم ils pensent que c'est une référence alors que c'est une référence في الضلال والإنحراف. Alors, nous, on fait attention à tous ces livres dégarés. On a cité Tafsir al-Zamakhshari wa Sayyid Qutb en guise d'exemple. Wa ba'd al-ulama, ils ont expliqué Surat al-Fatiha faqat dans un juz, dans un livre, qu'a l'imam Ibn Rajab, rahmatullah alayhi, il a une risala fi Tafsir Surat al-Fatiha. Walhamdulillah. Suratun azima, hadhihi as-sura. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, yaqul أنها جمعت معاني القرآن سورة الفاتحة قد تضمنت جميع معاني الكتب المنزلة هكذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين لماذا؟ لأن انظر ensemble إن شاء الله أن سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها التوحيد كسواء توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات كذلك الله سبحانه وتعالى إلى السيتي طريق أهل الجنة يهدينا الصراط المستقيم كذلك عز وجل nous a mis en garde contre الانحراف وأهل الانحراف غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الحقيقة ça s'englobe tout ce qui a été révélé في القرآن بل في الكتب المنزلة et bien sûr dans toutes les sourates c'est détaillé. سورة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول تأملت أنفع دعاء ابن تيمية رحمة الله عليه الإمام الكبير قال تأملت أنفع الدعاء أي يغفلشيسي c'est quoi l'invocation la plus profitable pour le mu'min أنفع دعاء قال فإذا هو السؤال العون على مرضاته سؤال العون على مرضاته نعم لأن سي الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبد فهذا العبد يسرع قيده في الدنيا والآخرة rien ne pourra lui faire du mal. الله سبحانه وتعالى راضي عنه même si les gens le critiquent, même si les gens ne sont pas d'accord, même si on essaye de lui faire du mal, رب العالمين il est راضي عن هذا الشخص. Donc c'est أعظم نعمة. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. Il a compris que si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous, on a tout gagné fil dunya wal akhirah. Donc, amfa' ad-du'a, c'est de demander hada ar-ridha an Allah subhanahu wa ta'ala yarda 'anna. Qala rahmatullah alayhi thumma ra'aytuhu fil Fatiha. Yaqul rahimahullah thumma j'ai trouvé ce du'a fil Fatiha. Qala fi qawlihi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ay on demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. الاستعانة بالله عز وجل. تأمل combien de fois on demande ce dua par jour. لكن لابد من إخلاص، لابد من خشوع، لابد من طلب بمحبة وذل وخضوع. Tous les jours on demande هذا الدعاء. شيخ الإسلام قال c'est أنفع الدعاء. Quand on récite إياك نعبد وإياك نستعين. لا شك أن العبادة c'est حق لله عز وجل. Et on demande الاستعانة. De l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour هذه العبادة. لأن celui qui n'a pas de tawfiq ولو يفعل ما يفعل الأمور c'est بيد الله. فمن المهم c'est de demander هذا العون من الله سبحانه وتعالى وحده. Et cela on le trouve في سورة الفاتحة. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل. On le lira إن شاء الله une autre fois لضيق الوقت. هذه مجرد مقدمة une introduction pour cette série de cours. On essaiera de faire résumer حتى c'est plus simple pour nos frères. Et à Al-Jamir, on conseille tous nos frères qui sont présents ou ceux qui écoutent ma'ana, بالجد والاجتهاد. هذه الدروس نعمة. دروس في التوحيد, دروس في التفسير نعمة. من باب التعاون نسنتخد. لكن لابد من اجتهاد. On conseille nos frères, on a ceux qui assistent ma'ana, ولله الحمد, ils ont les livres. كذلك ceux qui nous écoutent, ils ont les livres. Il l'imprime et il est منشور ولله الحمد. Et la prise de notes, c'est مهم. وإذا أشكل عليهم شيء, ils demandent. كذلك الاستمرار العلم لابد من استمرار والصبر اما سيستا ان كور ثم لو كور سويفون الانسان اللي با لا احذر من هذا لان الشيطان اللي حريص بوغ نوز اكارتي دو هذا العلم واجعل مثل هذه الدروس او غيرها مهم العلم في تو بوغ كو سوا الاساس لا باز لماذا لان البعض صلى الله التوفيق للجميع اون بوتيت شوز اي Obama, il vient plus au dors. Ou il est absent. Hada, c'est normal si la priorité, ce n'est pas le dors, ce n'est pas l'ilm. Voilà, chacun a l'insan. Il peut avoir une excuse, malade, ou un membre de sa famille est malade, ou il avait un problème, ça arrive. Là, qu'il la moindre des choses et elle nous écarte, on n'avancera pas. Fal istimrar ou l'ihtisab. Ou hada, tariq, c'est tariq al-janna, comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas l'ilm. Il est fi tariqihi ka'annahu li fi tariq al-jannah. Et ça c'est muhim pour at-talib annahu yahtasib hadha, il pense daiman a hadha. Wallahu al-musta'an. Naktafi bi hadha, et le prochain cours inshallah ta'ala on commence la lecture cette risala de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Waffaq Allahu al-jami'. Kadhalik, avant de conclure, on n'oublie pas al-inaya bi أما الحفظ ولله الحمد فجميع الإخوان يحفظون هذه الصورة لكن العناية بالقراءة الطيبة لسكرت دي فوت اللحن كذلك النطق faire des efforts في هذا et on conseille nos frères أنهم récitent cette صورة s'ils connaissent un frère qui maîtrise qui a étudié le Coran et ils récitent sur lui et les corrigent فأمر طيب. لأن هذا القرآن pour ne pas faire de faute il faut réciter sur un autre في الحقيقة لأن أنت as l'habitude de réciter ربما لا تشعر est-ce que tu fais une faute هنا أم لا on conseille nos frères de réciter celui qui ne peut pas qui ne connaît pas un frère ou une personne pour le corriger il s'aide avec هذه الوسائل الجديدة الحمد لله il y a des récitateurs qui récitent très bien il récite et il écoute حتى il corrige الأخطاء لأن لا ينبغي كذلك يدي فوت لا بس يدي فوت صفي بعد مالو الصنص إلى آخره لكن يدي فوت لا الحقيقة لا ينبغي للمسلم كيف سجن دي فوت في قراءة سورة الفاتحة كذلك سادمون دي فوت العناية بالحفظ والعناية بالقراءة الطيبة والعناية بالفهم et bien sûr العمل et c'est ça le but de ces دروس.